m'a guidé, hadani, ila sirati mustaqim, m'a guidé vers un droit chemin. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Qala faman rabbukuma ya Moussa? Qui est donc votre Rabb, ô Moussa? Demanda Pharaon à Moussa. Et Moussa, qu'est-ce qu'il a répondu? Qala rabbana الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسى دي notre Seigneur, notre Rab, est celui qui a déterminé la nature de chaque créature, puis il l'a guidé. Donc Rab et guidance sont liés. Ça c'est dans Surat 20, Surat Taha. Un autre verset, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Glorifie le nom de ton Seigneur, de ton Rab, le Théo, lui qui crée et agence harmonieusement, lui qui prédétermine et guide. Surat 87, Surat Al-A'la. Rabbika fahada. Ton Rab guidé. Un autre verset. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. Puis son Rab, le possessif, il renvoie à Adam. Puis son Rab, Lili, accepta son repentir et le guida. Donc, Rububia, Hidayah. Rab, Seigneur, guidance. Surat 20, ce verset-là. Se trouve dans Surat Taha, un autre verset. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Dit, plaise à mon Rab de me guider vers le chemin de rectitude. Plaise à mon Rab, à mon Seigneur, de me guider vers le chemin de rectitude. Dans Surat Al-Kahf, Surat 18. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Dans Surat Shu'ara, Surat 26. Mais non, dit Moussa, mon Rab est avec moi, il me guidera. Dans un autre verset, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Ibrahim, il dit, je m'en vais vers mon Seigneur, vers mon Rab, il me guidera. Ça c'est dans Surat Safat, Surat 37. Autre verset, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَيَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. En ayant pris la direction de Madian, il, Moussa, se dit, peut-être que mon Rab, mon Seigneur, me guidera au bon chemin. Ça, c'est dans Surat Qasas, Surat 28. Donc, relation, lien, étroit entre Rububia et guidance. Et c'est normal, c'est logique, puisque le Rab est l'éducateur, il guide. L'éducateur guide. Rab al-alamin. Alamin. Alamin. Alamin est le pluriel de Alam. Tout ce qui existe en dehors d'Allah fait partie de Alam, qu'on peut traduire par monde. Vous savez, en langue arabe, il existe différentes sortes de pluriels. Il existe différentes sortes, des modèles de pluriel. Il y a le pluriel masculin, simple, jam' al-muzakkar salim, et là le jam' le pluriel masculin simple, il se termine toujours par oun. Et puis il y a le pluriel féminin simple, il se termine toujours par et. D'accord? C'est comme, bon, en français, bon, élève, c'est au singulier. Au pluriel, c'est élève avec s. On ajoute le s. En arabe, concernant le pluriel masculin simple, on ajoute oun, le waw et le noun. Et quand il s'agit du féminin, on ajoute le alif et le ta. Par exemple, faiz, c'est un singulier. C'est un nom singulier, triomphateur ou ayant le succès, faiz. Et le pluriel de faiz, faizoun, muhtad, muhtadoun, mu'min, mu'minoun, n'est-ce pas? Jahil, jahiloun, faiz, faizoun, mais au féminin, faizat, faizat. Mu'minat, mu'min, mu'minat, jahil, jahilat. Bon, ça c'est le pluriel simple. Il y a ce qu'on appelle le pluriel, c'est jam' taksir. Il y a jam'